Guten Tag, mein petit Strudel. Jawohl. Bienvenue, bienvenue. Bonjour à tous. Vous êtes bien sur Splash Wave Radio. Il est 21h et c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien. Ça va être travers. Enfin bon, voilà, vous avez compris. Vous êtes sur Splash Wave Radio. C'est votre rendez-vous quotidien avec nous, l'équipe du YOLO Records. Je suis Puck et... Voilà, nous avons le retour de Mickey Mouse. Salut, Qui porte d'ailleurs très mal son nom parce que Mickey Mouse, Mouse peut signifier quelque chose de grand et une c'est petite parce souris. que t'as pas vu ce qu'il y a dans mon pantalon? Putain, la légende serait dans ce faux. Oh, Plus on a une voix aiguë, plus on en a dans le paquet. c'est la troisième fois qu'on fait cette intro, j'en peux plus, je pleure toujours autant de rire devant cet homme raciste. C'est pas raciste, c'est un hommage culturel. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah oui, c'est un hommage culturel, ah oui. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ah Non, si. on n'est pas la biodiversité. J'ai juste un truc parce que, alors je sais pas comment les auditeurs ont réagi, parce que là on enregistre, pour vous dire, on enregistre donc cet épisode, l'épisode 10, avant la diffusion de l'épisode 2. Oui. C'est pour vous dire à quel point on prend de l'avance. Mais oui, non, si, la semaine dernière, on a fait une erreur. Une grave erreur. On a fait une grave erreur, puisqu'on parlait des personnages de films qui ont changé de race entre des films. Oui. Et on en a oublié un. Et oui. On a oublié le créateur Tarsk des X-Men. Qui était dans X-Men 2, qui était un grand black, et qui est devenu dans Days of Future Past un nain blanc. Ça veut dire que Michael Jackson aurait raison, il était malade. C'est-à-dire que Michael Jackson avait raison, il était gravement malade, exactement. Il avait la Michael Jacksonite aiguë. C'est ça. Ainsi que la mimimatite aussi aiguë. Ainsi que la mimimatite aiguë aussi, ouais. La douce, c'est-à-dire qu'il a décoloré et la rapetissi. Non, mais faut pas rigoler avec les handicaps, c'est moche. Oh putain. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un jeu, mais Oui. aussi d'un film. En fait, c'est les deux en même temps. Oui, bah oui, finalement, oui, c'est la façon dont ça arrivait, oui. D'ailleurs, Bah avant de oui. commencer, bon, donc là, on est le 7 septembre, si je dis pas de C'est bêtises, ça, on est le alors. 7 septembre, oui. Et nous avons appris, il y a peu, que Oui, Wes oui. Craven était mort. Oui. Et donc, j'aimerais, voilà, petite minute solennelle, dédier cette chronique à Wes Craven, Le papa des puisque. slasheurs. Voilà, puisque finalement, hein, comme j'ai pu le dire sur le chat lors de la diffusion de l'épisode 1, enfin du pilote, le destin est une pute, puisqu'à la sortie de ce jeu, voilà, on va dire que son papa spirituel est mort. Voilà, à la sortie du jeu et quelques jours avant la sortie de quelques jours avant la sortie de du dernier épisode de la série Scream, Voilà, qui c'est était ça. tiré de son œuvre. Donc c'est encore pire en fait. C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que là, cette année, les morts, c'est du troll, c'est-à-dire que là, 2015, c'est l'année du gros troll de fou, quoi. C'est ça. C'est Donc, du ça. coup, voilà, c'est tasse. Je pense que le jeu aussi peut être. Je pense que c'était un clin d'œil qui se transforme en hommage, finalement, involontaire. Exactement. Mais donc, du coup, ce soir, on va parler de Hunting Down, Voilà, avec la avec sortie mon de super accent. MGS, avec la sortie de MGS5 et de Mad Max et de gros jeux à licence, hein, la sortie de Fallout 4 bientôt, on va vous parler de Until Dawn. Alors, pourquoi, nous direz-vous, pourquoi faire ce 10e épisode que vous enregistrez du coup sur une période quand même de grosses sorties sur un jeu finalement qui fait partie des bonnes sorties mais peut-être pas des plus oufissimes? Eh bien, parce que ce jeu est très bon. Oui. Alors, ça c'est un truc, c'est très étrange, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de retours de gens qui me disaient il est génial, comme toi. Et j'ai Oui. eu aussi des retours d'amis qui jouaient qui me disaient je me suis forcé à le finir, mais c'est de la merde. Et oui, il y a des gens qui pensent que ce jeu c'est de la merde. Salut à toi, Apo, hein. On te fait des bisous. Mais Donc, après, c'est comme tous les jeux, c'est-à-dire qu'il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Oui, voilà. En fait, je pense que c'est la même chose, si on en parlait juste avant. Pour moi, c'est la même chose que la série Scream. Oui. C'est-à-dire que le jeu dont on va parler, moi, quand on. J'en avais pas entendu parler, je te l'avais dit en plus, parce que tu m'as appelé il y a pas longtemps, tout ça, bref. Enfin, bref. Quand on en a parlé tous les deux avant de penser à faire cette émission, je t'ai dit que bah moi le jeu avant qu'il sorte je le connaissais pas du tout, mais pas une seule seconde quoi, j'en avais jamais entendu parler. Et c'est quand Et le jeu est sorti que tu as vu les vidéos et tout ça et non, que... pas du tout en fait, j'ai vu le jeu, il y a le jeu qui est sorti et j'ai eu pas mal entre guillemets pas mal de gens qui disaient sur Twitter, en fait il faut pas le prendre comme un jeu sérieux. C'est ni plus ni moins qu'un film nanar. Oui. Et c'est vrai que de ce que j'en ai vu, bah oui, c'est un slasher nanar des années 80. Y a pas à chercher, c'est ni plus ni moins que La Cabane dans les bois, avec le côté dénonciateur parodie en moins, c'est comment. Putain, comment il s'appelle ce film? Oui. Merde, Evil Dead. Oui. C'est Evil Oui. Dead! Ouais, mais tu vois, c'est comment, enfin, c'est là où je trouve que c'est fort, puisque c'est un jeu qu'il a fait avant un film, un vrai film. Ça veut dire, c'est de prendre tout ce qui va être slasher, teen movie, série B, enfin tout ça, et d'en faire quelque chose. Enfin, après, moi, c'est un point de vue. Peut-être que d'autres personnes ne partageront pas cette idée-là, mais d'en faire quelque chose qui est bon, c'est-à-dire d'en faire un film interactif. Limite, on se dit, mais ça aurait été un film et j'aurais pris plaisir à le voir. Et c'est là que je vais te corriger. Parce qu'il y a un film déjà qui existe et qui mêle le slasher, le teen movie et j'ai pas envie de dire le côté interactif, mais qui en fait qui moi justement ça a été mon point de référence quand j'ai vu Until Dawn, c'est La Cabane dans les bois de Drew Goddard qui est un. Enfin c'est en fait c'est la même idée que Until Dawn, c'est-à-dire que t'as des jeunes qui vont dans une cabane dans les bois et qui se font Ouais. tuer petit à petit. Et c'est vraiment fait façon teen movie, c'est-à-dire que bon, c'est une entre guillemets parodie, c'est un hommage aux slasher movies, clairement. Mais c'est genre, tu vas avoir les jeunes, alors je spoile pas, mais disons qu'il y a un complexe qui gère beaucoup de choses dans ce qui se passe. J'en dis pas plus. Et en fait, t'as les deux histoires en parallèle, c'est-à-dire que t'as les jeunes dans la cabane et les entre guillemets vieux qui vont gérer tout ce qui se passe dans la cabane depuis un complexe beaucoup plus loin. Et t'as les deux histoires en parallèle et donc t'as un moment où ils sont attaqués pour la première fois. Donc ils rentrent dans la cabane. Et il y a le personnage, genre le film a été tourné en 2008-2009, quelque chose comme ça. Donc le personnage principal, enfin un des personnages principaux n'était pas encore très connu à l'époque, mais c'était Chris Hemsworth. C'était avant qu'il tourne en Thor en fait. Donc c'était un peu D'accord. la nouvelle star. Et donc Chris Hemsworth qui arrive et qui fait aux gens, bon écoutez, on vient de se faire attaquer, très bien, la première chose à faire c'est ne pas se séparer, on reste tous ensemble. Ce qui est une très bonne idée, parce que justement, c'est justement dans tous les slasher movies, ils disent, hey, on se sépare, machin. Dans tous les slasher movies, dans tous les films d'horreur en général, Voilà. il y a très peu de films d'horreur où je pense qu'on pourra. J'aimais l'idée. Je te la pose à toi, je la pose aussi aux auditeurs, mais bon, vu que c'est épisode 10, peut-être qu'on prendra la décision avant eux. On pourrait faire une émission sur les films d'horreur, mais sur leur construction et comment ça fonctionne et la recette du succès et un peu tout ça, quoi. Voilà, mais ça, vous le verrez peut-être, hein, peut-être la semaine prochaine, peut-être plus tard. Ah, On sait pas, mystère. on va voir, mais c'est vrai que ce qui fait la puissance aussi d'un film d'horreur, c'est que généralement, aucun choix ne sont cohérents. Voilà. Parce que sinon, il Et n'y aurait pas de film d'horreur. voilà. C'est... Et justement, donc pour en revenir à ce que je disais, après avoir dit ça, il y a les mecs dans le complexe qui sont là, ah non, non, non, c'est pas bon, attendez, mettez-lui une poussée d'hormones, machin. Donc, il tourne un petit bouton, il y a un tout petit morceau, tu vois, genre le pchit que tu mets dans ta maison pour chasser les mauvaises odeurs. Quand t'as pété, par exemple. Voilà, quand t'as pété par exemple, qui se déclenche, et pile dans le visage de Chris Hemsworth qui était en train d'avancer, et puis il s'arrête, il se retourne et fait, en fait, vous savez quoi? Je pense qu'on devrait se séparer, on couvrira plus de terrain comme ça. Et c'est génial, enfin, t'as tous les éléments donc un peu parodiques, et il y a du teen movie par le... Bah, j'ai envie de dire, maintenant, la façon dont sont construits les films d'horreur, c'est du teen movie. C'est-à-dire que t'as plus un seul slasher qui est fait où t'as pas au moins un couple qui va baiser et machin comme ça, tu vois. Et même à la base, le slasher était un teen movie. Là, tu regardes le premier Freddy était un teen movie avec des éléments d'horreur dedans. Oui. Donc, ça, voilà, moi je te dis, pour moi, Until Dawn m'a vraiment beaucoup fait penser à La cabane dans les bois de Drew Goddard et, comment il s'appelle ? Merde, le réalisateur des deux premiers Avengers, Joss Whedon. D'accord. Joss Whedon, c'est Joss Whedon qui a écrit en fait le film. Ouais, c'est vrai, quand tu balances la synopsis, ouais. Ouais, mais c'est encore plus tordu, l'histoire. Enfin, c'est-à-dire que l'histoire est vachement bien pensé, vachement bien amené, puisqu'il y a un système d'indices. Et au final, voilà, c'est-à-dire que quand tu le fais pour la première fois, tu te poses plein de questions, t'arrives même à un moment, tu te dis, bah putain, ouais, non mais je sais comment ça va se finir, c'est bon, j'ai compris. Et en fait, non. Et même enfin, c'est un tout, quoi. C'est à la fin, c'est comme un feu d'artifice. Tu te dis, putain, mais c'est du délire absolu, c'est-à-dire que c'est du nanar, c'est du navet, c'est du cliché, c'est du vu et revu, mais c'est tellement bien amené, je trouve, que voilà, en fait, c'est génial. Voilà, et il faut savoir donc que le jeu, on va faire un tout petit point développement. Le jeu a été donc développé par Supermassive Games avec l'aide de Quantic Dream. Quantic Dream, qui est le studio d'un certain David Cage. Heavy Rain, Beyond Two Souls, Fahrenheit. Voilà, donc ça prend clairement inspiration des jeux de David Cage. De toute façon, c'est du choix et du QTE. Hein. D'ailleurs, on devrait dire David Cage, puisqu'il est français. Enfin oui, voilà, on va juste donc revenir, on va faire peut-être un petit point histoire. Oui, un petit point histoire. Du coup, je me tâte à faire, on lance le jingle ou pas? Ah bah oui, on lance le jingle, bien entendu. On va faire un point histoire, nous verrons par la suite. Voilà, exactement, s'il n'y a pas de jingle, c'est que j'ai eu la flemme. C'est ça, de toute façon, vous le saurez très rapidement s'il y aura un jingle ou pas. Voilà. C'est parce que là, c'est encore le flou artistique. Du coup, le point histoire, très très très très classique, très vu et revu. C'est une bande de copains qui, après un drame, revient sur les lieux pour une soirée pour rendre hommage à des victimes. Enfin, c'est du classique. C'est-à-dire que l'histoire commence, en fait, c'est une bande de jeunes donc qui sont en train de faire la fête dans un chalet familial. Qui appartient à Josh et enfin aux parents de Josh et de Bess et Anna. Et en gros, en fait, l'histoire, c'est que tu as le beau gosse du groupe, donc Mike, qui a tapé dans l'œil d'Anna, d'une des sœurs, et donc du coup Emily, la copine de Mike à cette époque-là, et décide de lui faire une blague. Donc il laisse un mot qui aurait été écrit par Mike en disant, oui, rejoins dans la chambre, il faut qu'on parle. Elle arrive, c'est ah Mike, je ne m'y attendais pas, pendant que tous les autres ricanent planqués dans leur coin. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah écoute, on va se peloter, on va voir où cela nous mène. Enfin, des répliques, on est dans le gros classique. Oui. Sauf que du coup, voilà, il y en a une qui va faire une remarque, du coup l'autre va être triste, elle va se rendre compte qu'on s'est foutu de sa gueule, elle va s'enfuir, sa sœur Bess va se lancer à sa poursuite. Il va se passer des trucs chelous dans les bois et il va se passer qu'elles vont être pris sur un ravin, enfin, elles vont bloquer sur un ravin, elles vont glisser et elles vont chuter. Et donc, ça s'arrête là, sur l'image d'un mec un peu chelou qui se penche. Voilà. Ça s'arrête là, on voit le cadavre des deux sœurs. Et ça commence, donc une fille de la bande, donc Sam, est dans le bus et elle écoute un bulletin radio qui explique ce qui s'est passé, que cela, ça fait un an déjà que les deux sœurs Washington ont disparu et que les recherches n'ont rien donné, tout ça. Et là, se lance une vidéo que Josh a enregistrée où il dit « Mes amis, mes frères, tout ça, mes fans. » Mes frères. Attends, non, mais c'est ça. J'ai décidé de faire la, voilà, d'organiser une soirée à l'ancienne. Je le fais pour qu'on se retrouve, qu'on fasse la fête, et je le fais aussi pour mes sœurs, tout ça. Donc tout le monde est convié. Et donc ils se retrouvent tous au chalet. Ils arrivent par leur propre moyen, mais ils s'y retrouvent tous. Donc nous avons donc Mike, le beau gosse. Voilà, Emily, la grosse connasse qui porte les couilles pour tout le monde. Parce que voilà, hein, c'est moi je suis une connasse. On a Jessica, la peste, qui sort avec Mike. Du coup, on a Matt, le sportif, hein, un peu le joueur de foot avec sa veste en cuir et tout ça, de joueur de foot américain, qui est donc le nouveau copain de d'Emily. On a Sam, donc Sam, c'est la fille gentille, courageuse. Voilà. Ouais, c'est l'héroïne, quoi. C'est l'héroïne, c'est la courageuse, gentille, enfin celle qui fait chier personne. Donc on a Josh, donc le frère qui, voilà, c'est le bon pote, c'est un peu le mec cool de la bande. On a Chris qui est un peu le bouffon de la bande, le comique. Et on a Ashley qui est la timide, la petite fille, voilà, timide, qui a des vues sur Chris, puis Chris a des vues sur Ashley, et puis ils se sont encore rien dit, mais tout le monde sait qu'ils veulent sortir ensemble, puis eux-mêmes le savent, mais ils n'osent pas se le dire. C'est voilà, c'est du chocolat qui a un goût de chocolat. Voilà, c'est exactement ça. Ça veut dire que là, il y a rien d'inventé, il y a rien de nouveau. On est dans du cliché, du plus teen movie que ça, tu meurs. C'est ça, exactement ça. Donc paf, voilà, c'est ça. Ensuite, le cadre, donc c'est un chalet, un immense chalet au milieu du, au sommet d'une montagne, perdu dans les bois, avec en plein hiver avec la neige. Donc là, slasher, teen movie, ce que tu veux, pareil, c'est le cadre classique, c'est-à-dire que tu peux pas faire voilà. Alors, si je peux juste me permettre, je vais juste faire un petit point rapide sur le casting. Oui, vas-y, oui, parce que en plus, oui, s'il vous plaît, ils ont the casting. Ont the casting. Alors je connais pas les trois quarts des acteurs. Il y en a un seul que je connais qui joue Mike, mais dont je ne parlerai pas. Et donc dans les rôles marquants, est-ce qu'on parle du attends, je vais te l'écrire. Tu me réponds à l'audio, hein, bien entendu. Est-ce qu'on parle de ce personnage-là tout de suite? Est-ce qu'on en parle tout de suite? Oui, parce que sachant que je vais le spoil par la suite, oui, on peut. De toute façon, oui, enfin, c'est mis dès le départ, parce que après la séquence intro. Oui, parce que ça fait partie du déroulement du jeu. Voilà. Donc, comme on disait, donc Sam, le rôle de Sam, Samantha, c'est Aiden Pentier, qui était donc qui a déjà joué dans Scream 4, mais qui en plus était Claire Bennett dans Heroes. Oui. Donc ils ont tous une gueule connue, c'est-à-dire que même si on connaît pas les noms, on sait pas dans quoi on les a vus, on les a vus. Bah, moi, sincèrement, j'ai pas eu ce ressenti sur la plupart. C'est-à-dire que je les regarde et y en a certains, je suis sur leur page Wikipédia. Je suis là genre ouais non quoi, tu vois, enfin non malheureusement. Ou alors c'est peut-être l'impression parce qu'ils ont choisi des acteurs qui ont des têtes à jouer dans ce genre de film. Voilà, qu'ils ressemblent à d'autres et que du coup c'est pour ça qu'on est sûr de les avoir déjà vus. Voilà, je pense que c'est ça. Bon, il y en a un qui a joué dans Shameless et Teen Wolf, mais bon, Shameless et Teen Wolf quoi. Et je regarde rapidement. Alors voilà, attends, Teen Wolf, il joue le rôle de qui? J'en ai aucune idée. Je ne regarde pas Teen Wolf, donc je pourrais pas te dire. J'ai déjà fermé la page Wikipédia. Et donc, est-ce qu'il était métis? J'en sais rien. C'est Chris, je crois. Je crois que c'est Chris. Possible. J'ai vu qu'il jouait dans Teen Wolf. Non, c'est pas Chris. Putain, hey, tu me fais rechercher. Je vais te tabasser, quoi. Bah, c'est soit Matt, soit c'est Josh. Ou c'est possible que ce soit Matt, ouais. Je vais aller voir. Alors non, voilà, la guerre à la maison, qui a regardé ça, quoi? Soyons d'accord. Si, il y a un mec de Mister Robot, tout le monde m'a dit du bien de cette série, je l'ai pas encore vu. Ce sera peut-être changé. Donc oui, il y a un. En fait, ils sont deux mecs à avoir joué dans Teen Wolf. Il y en a un, c'est un mec qui jouait Noah dans Teen Wolf, qui joue Matt. Dans Until Dawn, hein, je veux dire. Mais moi, mon personnage préféré, soyons d'accord, c'est le psychologue. Oui. C'est le psychologue. Alors je spoil pas, moi la seule chose que j'ai vue, c'est qu'il fait des séquences qui sont un peu genre tes choix C'est, je pense que ça définit un peu la suite de l'aventure. Ça définit l'ambiance. Et on comprend pourquoi par la suite. Voilà. On y viendra, mais on comprend pourquoi. Et on comprend même son comportement du début, qui sera amené à changer. Mais on comprend pourquoi. Ça veut dire que, voilà, qui joue une première fois, c'est de la découverte. Et après, c'est marrant parce que quand tu rejoues, t'as vraiment une vision différente et tu fais ah ouais, ah d'accord, ah. C'est tu comprends la première fois que tu joues, mais la deuxième fois, c'est t'as pas la même approche du jeu en fait. Voilà. Et du coup, ce mec est interprété par Peter Stormare. On m'entend dans ton casque. Ah, attends, bah, je vais baisser dans ce cas-là. Qui avait joué alors pour les connaisseurs. Pour moi, c'est quasi un dieu vivant, ce mec. Parce que donc, il avait joué John Abruzzi, le patron de la mafia dans Prison Break, les deux premières saisons. Il a joué le rôle du comte Vertigo dans Arrow. Et il a joué Lucifer dans le film Constantine. Putain, mais oui. Bah, c'est, mais oui, c'est Lucifer dans Constantine. C'est le diable qui vient parler à Constantine à la fin quand il se tranche les veines. Ils l'ont fait fondre hein, pour le rôle du docteur. Hein. Ah mais en fait il a vachement fondu comme mec, il a énormément fondu parce qu'il était il était pas gros mais il était bien portant hein, dans Constantine. Ah, oui dans Constantine il était putain assez... Ben voilà, je savais bien que sa gueule je l'avais vu quelque part. Voilà, et c'est typiquement le truc du film, enfin du jeu, c'est que putain ce mec je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu, je le connais. Et voilà, bah effectivement, quand tu vois que Aiden Pelletier, il y a que un seul personnage qui intervient dans le jeu, tu sais de nom, hein. Bah oui, à mon avis, ils sont allés chercher nulle part, ils l'ont créé. Hein. <C'est>... on reviendra sur ce personnage-là, mais voilà. C'est voilà. Non mais c'est voilà. Enfin, c'est pour moi, c'est très bien, quoi. C'est vraiment voilà. J'ai rien à dire de plus parce que le casting. De ce que j'en connais, il est parfait. Donc, il est très bon. Puis ce qui est bien aussi dans le jeu, c'est que une fois que tu l'as fini, tu déverrouilles en fait des bonus, et donc tu as des vidéos pour voir comment ils ont fait des recherches pour créer un sentiment de peur, comment ils ont fait la capture, comment ils ont fait le casting, comment ils ont eu les idées, de quoi ils sont inspirés. Enfin, c'est vachement cool parce qu'il y a vraiment des bonus intéressants. Tu te dis tiens, c'est ça t'a, enfin. C'est du plus, c'est même pas du fan service, c'est vraiment du plus en fait. Ouais. C'est ça perd, enfin tu te dis ouais putain balèze, enfin c'est balèze qu'ils ont fait, tu enfin voilà, c'est une sorte de making of quoi. Oui bah c'est ça, il y a clairement le making of. Hein. Et donc du coup donc ça c'est voilà, c'est le petit ajout, c'était la petite aparté. Et donc pour continuer sur ce que tu disais, l'ambiance, le chalet, tout ça. Donc voilà, donc c'est du déjà vu. Donc je préfère prévenir. Même si l'épisode ne va pas être diffusé, voilà, le dixième, donc voilà. Mais je vais spoil parce que je vais vous raconter toute l'histoire. Et après, nous verrons le gameplay, bien sûr. Et là, je vais raconter. Je me permets, je me dis, comme on est loin dans la sortie du jeu, enfin, on est quand même. Voilà. Je raconte ce qui ne vous gâchera pas le plaisir, bien sûr. Moi, je serais toi, je parlerai de l'histoire en dernier, je parlerai du gameplay maintenant. Alors, on va faire gameplay, on va faire l'histoire après. C'est voilà. Une bonne idée. Voilà, faisons donc, on va faire le point gameplay. Jingle Venom. Donc le point gameplay. Alors c'est dès qu'on lance le jeu, le gros du gameplay repose sur quelque chose, je dirais oui et non, sur un point marketing surtout. L'effet papillon. C'est-à-dire que dans ce jeu, il va y avoir des moments où vous allez faire des choix, vous allez faire des actions, vous allez dire des choses, vous allez prendre une décision qui va laisser sa trace. Dans le jeu, il y a un menu avec différents dossiers d'effet papillon. Voilà, vous allez décider de faire quelque chose, paf, ça va être inscrit dans l'histoire et ça va faire un effet papillon, c'est-à-dire que plus tard dans le jeu... Bah, votre rapport avec tel personnage ou la situation dans laquelle vous allez retrouver va être différente parce que vous avez choisi de faire ça plutôt que ça, et donc ça peut avoir une répercussion immédiate après le choix ou plus loin dans le jeu. Après au niveau, je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est pas voilà, le système de jeu c'est clairement du QTE et du choisir à gauche ou à droite. Voilà, c'est-à-dire que vous contrôlez votre personnage, vous le dirigez, vous pouvez vous amuser à lui bouger sa tête pour voir différents coins du décor. La façon dont la caméra est foutue, ça c'est intéressant parce qu'on est entre de la prise de vue caméra, style cinéma, et du Silent Hill. Bah c'est ça, c'est de la troisième personne. Je pense que le fait que ce soit fait à la troisième personne, c'est bien mieux en réalité. Parce que si c'était à la première, on aurait moins. Enfin, il faut se rendre compte. Clairement, il y a une chose à se rendre compte au niveau du jeu vidéo. C'est que si vous mettez un truc à la première personne, le personnage c'est vous. C'est-à-dire que par exemple, vous faites un... Je sais pas, je suis en train de réfléchir. Borderlands, le personnage, c'est pas le beau Jack ou Claptrap, c'est toi le personnage. Alors que si vous faites un jeu à la troisième personne, comme on voit le personnage, on est un peu détaché, entre guillemets, dans le sens où on se dit, c'est pas moi, ça n'empêche pas de l'aimer ou truc comme ça. Je veux dire, quand vous jouez au jeu Batman, Vous êtes Batman. C'est pas toi que tu joues, c'est Batman. Mais c'est parce que de toute façon, ça aurait été, sachant qu'on joue tous les personnages, ça aurait été très con de le faire déjà à la première personne. Et puis ça correspond au style de jeu, c'est-à-dire que c'est un jeu cinématographique, c'est un jeu narratif, c'est enfin ce que tu veux. C'est pas un truc d'action, c'est pas un voilà, il y aurait eu aucune logique à faire un truc en QTE avec une vue à la première personne. Si. Ça aurait pu être un type found footage. Oui. Où genre chaque personnage se balade avec sa caméra et toi tu vois à travers la caméra. Ça reste de la première personne, parce que tu ne vois pas ton personnage. Et ça peut faire genre, regardez, c'est comme Blair Witch. Ouais. Ouais, mais non, la direction qu'ils ont prise, voilà. C'était une... Oui, la direction qu'ils ont prise est très très bonne. Surtout que ça permet de profiter pleinement d'une ambiance visuelle et sonore qui est juste incroyable. Ça, par contre, même si les gens aiment pas le jeu, si quelqu'un me dit que l'ambiance sonore et visuelle était dégueulasse, là je mettrai mon petit veto. Ok, on peut pas accrocher, mais alors visuellement il est vraiment très beau, que ça soit sur les jeux de lumière, les jeux de texture, et au niveau ambiance sonore, vous allez entendre le train qui passe à côté de chez moi. Oui, c'est très chiant. C'est très ça chiant. Va, on n'a pas entendu autre chose. Oui, ta gueule. Mais au niveau de l'ambiance sonore, c'est-à-dire que les bruitages, la musique, le style de musique, c'est une harmonie parfaite. C'est une harmonie parfaite, c'est-à-dire que, enfin, ça se passe beaucoup en extérieur, donc on est souvent amené à marcher dans la neige. Il y a le vent dans les arbres, il y a le bois qui craque, le bois des arbres qui craque. Le chalet, t'entends le chalet, l'usure du chalet, ça craque, ça. Et puis la lumière de la lune, la lumière des bougies. Enfin, c'est honnêtement, il y a eu un vrai travail sur l'ambiance qui permet quand même pas une certaine, je dirais pas une immersion, mais qui rend la chose crédible. Si, immersif. Parce que voilà, on a la neige qui craque. Enfin, c'est dingue. C'est-à-dire que c'est dingue. C'est faut voir. Enfin, voilà. Si vous n'avez pas joué au jeu, jouez-y bien sûr. Ça, je le répète à chaque fois. Mais essayez de voir des vidéos et essayez de voilà. Si vous avez une bonne connexion, de la mettre en 720 ou 1080 comme vous pouvez. Et juste voilà de voir que les visages, les émotions, Alors c'est tellement bien foutu quoi. Il y a une scène qui est géniale où ils sont avec une table de Ouija, ils sont éclairés à la bougie et il y a un jeu de lumière et d'ombre qui est juste monumental, avec la petite musique derrière qui va un petit peu crescendo. C'est juste génial. C'est-à-dire que ça c'est ce qui fait aussi la réussite du jeu, quoi. C'est qu'il y a, visuellement et auditivement, je sais pas si ça se dit, mais bon, voilà. C'est fantastique. Donc après, donc oui, donc on était sur le système de caméra. Donc on va avoir de, en fait, c'est donc à la troisième personne. Donc on va avoir des points de vue assez, donc, caméra de cinéma. Des points de vue, des fois, on verra à travers les yeux de quelque chose qui nous observe. Quelque chose ou quelqu'un. On sait pas, en fait. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui nous observe. Et des fois, on a ce point de vue-là. Ou, plus loin dans le jeu, on aura par moment le point de vue d'une caméra cachée. Ce qui va nous titiller un peu, hein, on va se dire, qu'est-ce que le merde de fuck? Ça me titille. Hein, ça me titille. Qu'est-ce que la merde? Qu'est-ce que le fuck? Qu'est-ce que le what? Mais donc, du coup, voilà, c'est pas foireux, c'est-à-dire qu'on va pas avoir un plan de caméra qui, on sait pas où est-ce qu'il faut aller. C'est des plans de caméra qui permettent de savoir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'il y a des choses à voir, à découvrir. Donc, c'est vraiment bien géré. C'est assez confortable à jouer. Après, voilà, ça va être des séquences. Je dirige ma lumière, j'appuie sur une touche pour récupérer des objets. Je dois tourner la tête du personnage à gauche ou à droite pour lui faire dire quelque chose ou faire quelque chose. Pendant des scènes de course-poursuite ou d'action, faut que j'appuie sur telle touche à tel moment ou pas pour faire telle ou telle action, puisque comme il le dit à un moment, des fois le meilleur choix étant de ne rien faire. Mm-hmm. On sera comme ça à des moments, il y aura des séquences où c'est un peu la folie et on est tenté d'agir et des fois il vaut mieux laisser le timer passer, ne rien faire. C'est-à-dire que ne rien faire n'entraîne pas tout le temps l'échec. Ça peut entraîner aussi la réussite ou voilà le changement de situation. Enfin voilà, des fois il vaut mieux rien faire que faire quelque chose. C'est pas des QTE en fait qu'il faut. C'est pas jouer un bouton, j'appuie sur la touche. C'est ça. Donc ça aussi c'est bien amené parce que c'est vrai que les situations comme ça où il y a un enchaînement de QTE, on est souvent amené à appuyer comme voilà, être au taquet pour appuyer sur toutes les touches. Et des fois non, en fait des fois il faut se bloquer dans son élan et ne pas le faire, ce qui nous entraîne des fois d'ailleurs à nous tromper sur la touche d'après parce qu'on a perdu un petit peu notre élan. Mais voilà, c'est ça, c'est le même système que Beyond Two Souls, que Heavy Rain, hein, on l'a dit. Oui, voilà, c'est ça, c'est vraiment du donc, classique. C'est le jeu qui veut ça, c'est bien amené, c'est bien utilisé. C'est un jeu, on n'y joue pas spécialement pour se défouler, c'est vraiment. C'est se dire, j'ai envie de voir un film et j'ai envie de participer à ce film-là. Voilà, c'est ça. C'est vraiment du film interactif. Hein. C'est ça. Et c'est très, très bien foutu. Alors, à savoir que dans le jeu, après, donc, il y a donc, je vous dis, le fameux effet papillon. Dont on va peut-être parler maintenant. L'effet papillon, je l'ai abordé, mais on va le développer. Donc, il y a un menu de jeu, pour que vous puissiez visualiser dans vos têtes. Il y a un menu de jeu et il y a différents onglets. Il y a l'onglet effet papillon. Et en fait, l'effet papillon, il y a plein de petits papillons en fait qui vont au fur et à mesure former des dossiers. Et il y a des moments où on sera amené, par exemple, à interagir avec un personnage, donc à être plutôt romantique, plutôt provocateur, plutôt gentil, plutôt énervé, plutôt machin. Et donc du coup, en fonction de ce qu'on va choisir, des fois, ça aura il y aura une petite animation sur le haut de l'écran qui va se lancer et ça va être marqué effet papillon mise à jour. Et il y aura un dossier où ça sera marqué nouveau et ça va marquer, par exemple, Chris a décidé d'être gentil avec un tel ou Emily a choisi de ne pas donner l'arme à un tel voilà et donc du coup ça s'inscrit et immédiatement ou juste après va y avoir une séquence et je sais pas un tel va se faire attaquer et puis l'autre va pas l'aider, c'est-à-dire que le personnage qu'on joue va être attaqué, l'autre va pas venir l'aider parce qu'on s'est embrouillé avec lui, que finalement il nous aime pas trop et qu'il préfère penser à sa gueule. Ou alors il y en a un qui va se faire attaquer, enfin, on va être séparés, il y en a un qui va se faire attaquer et ça va soit l'emmener être blessé et handicapé pour la suite du jeu, soit carrément entraîner la mort du personnage parce que on lui a pas donné ça, on lui a pas donné l'arme, il a pas pu se défendre ou on lui a dit de faire telle ou telle chose et enfin voilà c'est le système d'effet papillon en gros c'est c'est l'effet papillon, mais c'est un truc qu'on trouve dans pas mal de ce type de jeu. C'est-à-dire que vous faites un choix et ce choix a des répercussions plus tard. Ouais, mais là, je dirais, c'est peut-être même encore un peu plus poussé. Peut-être. Moi, je me souviens que dans Heavy Rain, il y a des fois. Enfin, oui, c'est plus poussé parce que c'est. Oui. C'est Parce que plus c'est. poussé parce que tu vas, normalement, ça va être des décisions entre guillemets importantes. C'est ça. Ou alors, des fois, c'est des décisions minimes qui vont avoir un impact important sur la suite. Voilà. Et les répercussions d'un choix qui va être fait, par exemple, au bout d'une heure de jeu, peuvent intervenir 4 heures, enfin 2 heures après, 3 heures après. Voilà, et moi ce que je pense surtout sur ce justement ce cette entre guillemets définition, c'est l'écureuil. Il y a un écureuil que tu vas voir au tout début du jeu. Oui. Non, c'est pendant la séquence d'intro. Donc tu vois cet écureuil, enfin pendant la séquence d'intro. Disons qu'il y a plusieurs types d'intro, donc c'est un peu compliqué de dire. Ben, en fait, lui, il sert de. Alors, la séquence, justement, pour venir à la séquence avec l'écureuil, c'est quand t'as le choix de tirer sur l'écureuil ou non. Voilà. Sert Et enfin, de. tu le vois avant en fait. Tu le vois une fois avant, où justement, quand tu le vois, ton personnage a le choix de le caresser ou pas. Tu peux essayer de caresser l'écureuil ou pas. Ah, c'est Et avec Sam quand elle veut lui donner les noisettes? voilà, c'est ça. Et tu le revois après, justement, où tu veux lui, où tu vas lui tirer dessus ou pas. Et Oui. apparemment, c'est une grosse, grosse incidence sur la suite de l'aventure en réalité. Alors, moi, donc la deuxième fois que j'y ai joué, je l'ai tué. Il y a eu une réaction immédiate. Il y a une réaction immédiate. Il y a eu une réaction immédiate, mais sachant que ça fait partie d'un dossier Ouais. où il y a d'autres entrées qui arrivent plus tard, je me dis, ça se trouve, la réaction est immédiate, mais il y aura encore quelque chose plus tard. C'est ça. Et pour l'instant, donc moi, je me sens pas que j'ai vu de lien par rapport à ça, mais en gros, donc ah, je vais le dire, quand on tue l'écureuil, Sam se fait. Oui, si, mais si, ça a un impact, oui, bien longtemps après. Oui. Parce que, alors en gros. Pour tourner autour justement du dossier avec l'écureuil. Donc ce dossier-là, ça s'appelle le rat à la queue touffue. Chaque dossier a un nom en fait, et donc chaque décision va avoir un impact dans tel ou tel dossier en fait. Et donc si on le tue, donc un corbeau va attaquer Sam et va lui griffer la tempe. Donc du coup, voilà, ça sera marqué, vous avez décidé de tuer l'écureuil, la nature s'est vengée. Voilà. Et en fait, plus loin dans le jeu, en fait, Sam s'enfuit. Il y a toute une course-poursuite avec Sam. Bon, cette scène-là, justement, elle a été diffusée en tant qu'image de gameplay pendant Ouais. les annonces du jeu, où elle court en serviette. Ouais. Petit coquin. Et il y a un moment, en fait, on doit défoncer une porte. Sauf que, en défonçant la porte, elle chute. Et cette chute-là, en fait, va lui ouvrir la plaie qu'elle a sur Sur le front. sur le front. Et donc du coup sur le truc, donc c'est le dossier, on voit apparaître Sam est tombé et a ouvert sa plaie. Donc Donc du du coup, comme coup, quoi? comme quoi voilà, comme quoi c'est un impact et je me dis, il me semble encore que le fait qu'elle soit blessée ou autre, ça aura encore un impact sur la continuité parce que je sais qu'il y a, il y a quand je l'avais fait, il y avait marqué machin, enfin Sam n'était pas blessé donc il ne s'est pas passé ceci donc je crois qu'il va se passer une couille à tous les coups. Ah bah oui, bah ça bien entendu, t'es dans Donc Survivor, oui, tu fais pas ça. enfin voilà, savoir des impacts, voilà, il y en a qui vont se blesser, il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont bien s'entendre, il y en a qui vont faire l'amour, d'autres qui vont pas faire l'amour, d'autres qui vont s'embrasser, qui vont pas s'embrasser, enfin. Donc ouais, en fait, il y a des dossiers qui se croisent et du coup, non, c'est vrai que c'est une façon un peu originale d'amener justement ce choix d'effet. C'est vrai que le choix n'est plus, n'a plus d'effet direct. Enfin, il en a, mais il va y avoir encore des contre-coups, hein, comme disait la phrase, un battement d'ailes de papillon en Amérique peut créer un tsunami en Indonésie. Enfin. Voilà, c'est vraiment l'effet papillon tel qu'on le connaît, C'est ça. en Donc, mode. je t'ai dit tout à l'heure que effet papillon moyen. Effectivement, tu me parles de ça, je me dis non, quand même. Voilà, c'est qu'ils ont quand même réussi, c'est Ils quelque ont quand même chose réussi, qui. c'est-à-dire que j'étais un peu peut-être rapide de. Oui, c'est parce que c'est pas monumental. Bah, c'est pas monumental en fait. Il n'y a pas des feux d'artifice et des explosions, mais c'est très bien géré. Voilà, c'est, pour moi c'est ça, c'est qu'en fait le jeu a quand même réussi à faire un truc qui, sans trop spoiler, voilà, tu peux faire des trucs en début de partie et que ça se... que t'en apprennes les conséquences à la fin. Et je pense qu'il y a tellement, enfin je sais pas si tu les as comptés, mais le nombre de dossiers qu'il y a, il y en a, alors que je te dis pas de conneries, 2, 4, 6, il doit y en avoir une dizaine, 12, il y en a presque 20, voilà, il y en a une vingtaine. Donc t'imagines, si je te dis pas de conneries, enfin je le revois, mais allez, on va dire qu'il y en a entre 15 et 20, voilà, voilà. Donc Même 15 déjà, c'est énorme. T'imagines qu'il y a, allez, on va dire 20 décisions par truc à prendre. T'imagines le nombre de possibilités que ça donne. Alors après, ça c'est un truc qu'on en parlait justement hors antenne. C'est clairement pas. C'est pas fait pour être. Pour qu'il y ait 50 millions de fins différentes. Non. Non, ça va changer. Bah, ça va changer le nombre de personnes qui survivent à la fin. Forcément. À savoir que il a été dit. Parce que moi, je l'ai lu sur des critiques de sites de jeux et dans des magazines. Où ils étaient dit que de toute façon, quoi qu'on fasse, on n'arrivera pas à tous les sauver, il faudra choisir. Clairement, pour moi, c'est des tests qui ont été faits avec la démo du jeu, je pense. Bah, je pense aussi. Hein, il est possible, parce que moi j'ai failli le faire la première fois, mais je me suis fait putain de carotte moldavée de fou, puisque j'ai 3 ou 4 personnages qui sont morts à 5 minutes avant la fin. Ah, mais voilà, c'est peut-être justement quand il disait qu'on pourrait peut-être pas tous les sauver, c'est peut-être parce qu'ils sont censés mourir à ce moment-là. Tu non, vois on peut parce que il y a un succès. Pour tous les avoir sauvés. C'est ça, il y a 3 succès. C'est-à-dire que tu as un succès, c'est tous les hommes ont survécu. Il y a un autre, c'est toutes les femmes ont survécu. Et l'autre, c'est tout le monde a survécu. Ouais, voilà. Donc, alors, par contre, ce que j'aime bien, c'est comment tu dis ça, il y a 3 succès. Genre, il y a seulement 3 succès dans le jeu. Hein, ils étaient pauvres. Non, tu as plus de succès. C'est genre... je vais pas les donner, parce qu'ils sont censés être masqués. C'est-à-dire que moi, je suis allé les voir pour savoir s'il y avait des trucs spéciaux à faire. Parce que voilà, c'est histoire de les débloquer. Ouais. Mais et puis je voulais savoir aussi si voilà, ça m'a permis de voir qu'on pouvait tous les sauver. Je me suis dit c'est pas possible. Il y a un moment, il y a un choix, quoi qu'il arrive, c'est l'un ou l'autre qui va crever. Mais non, en fait, il y a une porte de sortie forcément quelque part. Mais oui, moi je me suis fait carotte moldavée parce que j'ai fait tous les choix les plus merdiques du monde sur les 5 minutes de fin et j'en ai perdu 3 comme ça. J'avais la haine. Mais voilà, après ça permet aussi, je pense que c'est le genre de jeu comme beaucoup de films qu'il faut voir plusieurs fois pour arriver à comprendre toutes les subtilités, tu vois. Enfin, oui, parce qu'après, il suffit de se souvenir et de se dire, ben voilà, si je fais ça, après on peut s'amuser à faire, toi, on sait qu'on a fait un bon choix, à en faire un mauvais pour voir la répercussion, pour savoir. Ouais, voilà. Et effectivement, moi je sais que la deuxième fois, il y a des scènes que j'ai pas faites, où il y a des scènes, ça sera toujours les mêmes lieux, le même déroulement, en fait. Mais le même déroulement, la même ligne conductrice. Mais voilà, il y a des scènes que tu ne feras pas, il y a des actions qui ne se feront pas, il y a des choses qui ne se diront pas, parce que tu as fait tel ou tel choix avant, quoi. Voilà. Donc du coup, non, c'est quand même bien amené. Voilà. Après, à nous de voir comment il y a l'enchaînement logique qui fait que tu vas faire les choix. Moi, je sais, voilà, je sais où j'ai fait mes conneries, mais je sais que ces conneries-là, je les aurais pas faites. J'aurais eu tout le groupe de vivants à la fin. Voilà, bah après ça se fait aussi par l'apprentissage. C'est ça, je pense qu'il se veut pour être fait plusieurs fois. C'est ça. Bah là, je l'ai refait. J'ai essayé de changer, tu vois, 2-3 trucs, de voir les relations avec un tel, de prendre d'autres décisions. Et quelqu'un qui est mort. Voilà, bah ouais, c'est ça. Bah c'est ce que tu disais. Donc je me dis que voilà, quand j'aurai fini cette partie-là, je pourrais peut-être me démerder pour avoir le succès. Toutes les femmes ont survécu, mais bon. je n'aurais pas encore tout le monde a survécu parce que je me suis chié dans la culotte, mais bon, voilà. Mais non, voilà. Après, donc il y a le fameux effet papillon. Il y a le système d'indices. Oui. Et alors ça, ouais, putain de bâtard, putain de malin de bâtard. Oui. Parce que le système d'indices, donc en fait, nous permet de en fait, en gros, on va récupérer des objets ou voir des objets qui vont être classés en fait donc dans le dossier jumelles, des jumelles, donc par rapport à qui a un rapport avec Buzz et Anna. Le rapport, enfin le dossier homme mystérieux et le dossier que je n'ai compris que vers la fin du jeu, parce que du coup, c'est là que tout le truc. Il y a un dossier 1952. D'accord, mais ça, on en parlera plus tard. Mais ça, on en parlera plus tard. Donc, du coup, il y a trois dossiers, on récupère les indices, et ces indices-là donc, vont avoir certains des corrélations entre eux, donc ça va faire des mises à jour sur les informations qu'on peut avoir de certains indices récupérés. Et ils nous permettent, si je dis pas de conneries, de récupérer des fragments de vidéos, et à la fin, on peut lire une vidéo en fait, qui va tout nous expliquer en détail. Oui, d'accord. Tout, en fait. Donc, c'est quand même un peu le truc d'assister, là, par contre. C'est vraiment non, genre... Non, mais parce que tu comprends le jeu. Tu comprends l'histoire, t'es pas con. C'est juste que, voilà, c'est pas des trucs importants qui sont expliqués. Enfin, c'est des trucs importants, mais pas dans le genre... ça va t'expliquer des points que tu n'as pas joué. C'est ce que je veux dire, c'est que tu vas pas... Ça va raconter une histoire. Ouais, mais ça va pas t'expliquer un truc que t'as déjà joué, tu vois. C'est pas genre. Non, voilà. Va y avoir. Voilà. Par exemple, je sais que, comme j'ai débloqué pas mal le truc de 1952, la vidéo explique. Ce qui, en fait, en gros, c'est expliqué brièvement dans le jeu parce que, voilà, le mec, voilà, il n'y a pas un cours d'histoire fait spécialement. Mais là, du coup, ils expliquent vraiment. C'est-à-dire qu'on a les indices qui nous permettent de nous faire notre idée du truc et là, après, ils te racontent l'histoire. D'accord. De 1952. Et il y a aussi un truc avec les jumelles et je crois que, enfin, l'homme mystérieux, je sais pas. Enfin, l'homme mystérieux, ça m'étonnerait parce que, bon, je vous le dirai tout à l'heure. Voilà, on en parlera juste après la pause musique qu'on va faire dans pas longtemps. C'est ça. Et donc, du coup, donc, il y a ce système d'indices. Il y a aussi, alors, je trouve ça marrant. Il y a le profil des personnages qu'on joue. Alors, à chaque fois qu'on joue un personnage, quand on ouvre le menu, il y a le profil. Et donc, il y a plusieurs caractéristiques. Donc, romantique, drôle, curieux, courageux, charitable, tout ça, tout ça. Et en fonction, en fait, de ce qu'on va dire ou faire, ces stats... Puck. Oui. Tu étais en train de bugger complètement. Donc, ça fait ces stats... Donc, où est-ce que ça a commencé à bugger? Bah, ça a bugué à ces stats. Donc en fonction, en fonction de ce qu'on choisit, ça a été entendu, ça a été clair. Oui. Donc voilà, en fonction de ce qu'on choisit, donc ces stats et après on a rien. Ces stats en fait augmentent ou diminuent, donc voilà, courageux machin. Donc j'ai pas trop compris quel est l'intérêt. Mis à part rajouter un petit côté Sims au truc. Bah non, mais c'est genre si tu fais ton personnage, t'as genre un personnage qui est censé être ultra courageux, mais à chaque fois qu'il se retrouve devant un truc qui fait peur, il va se barrer. Oui, mais comme c'est toi qui le contrôle, en fait, t'auras le choix d'être courageux ou pas trop courageux. Mais ça veut dire que par exemple, une séquence t'es pas trop courageux, après tu peux être super courageux. Ah oui! Mais après ça change dans le. Après dans je sais pas peut-être que ça a un rapport après sur comment tu es perçu par les autres. Oui voilà je pense plus que c'est quand ça. Quand tu joues ce personnage là, pareil aussi tu as donc tu as les tu vois hein, pareil c'est comme pour les qualités enfin les comment dire les caractéristiques du personnage. Mm-hmm. Tu as les noms des autres personnages et en fonction de ce que tu vas faire tu vas avoir pareil des stats qui vont augmenter ou baisser donc c'est ton affinité ou pas avec les personnages. Mm-hmm. Donc pareil, qui va changer le point de vue. Donc il y a ça et l'élément que j'ai regardé, parce que je trouve ça tellement génial, ce sont les totems. Oui. Et ça, les totems, c'est tellement le truc. C'est juste, enfin, c'est limite pour te faire stresser. Oui, mais c'est juste uniquement pour te faire stresser, oui. C'est pour te faire stresser ou pour t'aider, mais du coup, voilà, c'est un peu perdu parce que donc. Ils expliquent donc les totems en fait. Donc ils expliquent que les Amérindiens, dans leur culture en fait, pensaient que les papillons transportaient les rêves, mmh. Et qu'en fonction de la couleur du papillon, telle ou telle information était donnée. Donc un papillon noir était signe de mort, un papillon jaune c'était un conseil, papillon marron c'était une perte, un proche. Papillon rouge, c'était le danger, et papillon blanc, c'était la chance. Et donc, ces totems que l'on ramasse, à chaque fois qu'on les retourne, il y a un papillon d'une certaine couleur dessinée dessus et qui nous permet d'avoir une brève vision. Voilà. Donc, par exemple, si on tombe sur un totem avec un papillon noir, on verra un personnage mourir. Mais ce personnage-là mourir, ça veut dire que quand on va jouer ce personnage-là, si on fait telle ou telle chose, on risque de le tuer comme ça. Ensuite, on a les conseils, donc les papillons jaunes sur les totems, qui vont donc nous montrer une scène ou un objet ou quelque chose ou une direction. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y aura peut-être un choix à faire ou il y aura peut-être quelque chose à faire. Et il faudra y aller parce qu'il y a quelque chose d'important à voir, quelque chose d'important à faire ou à ne pas faire. Ensuite, il y a les totems avec les papillons marrons, donc qui nous présentent la perte d'un proche. Donc ça, c'est si jamais on fait une connerie ou autre, ben voilà ce qui peut se passer. Voilà ce qui va se passer. C'est en fait, c'est l'équivalent du noir en fait. C'est un peu la même chose. Mmh. Ensuite, le totem danger, ça nous présente du coup un danger à venir. Et généralement, ça nous montre ce que nous on ne voit pas. C'est-à-dire qu'il y a des totems, des fois les totems rouges, on voit, on fait mais qu'est-ce que le fuck ? Et on comprend ce que ça voulait nous dire. C'est en fait ça, les totems danger, je crois, sont inévitables. C'est quelque chose qui va arriver. C'est juste qu'il faut qu'on voilà. C'est une vision. C'est voilà, attention danger. C'est comme quand vous roulez en voiture. Attention au danger, tout ça, voilà. C'est ça. Les grandes Ensuite, c'est ça. Après, il y a les totems donc avec les papillons blancs, donc totem de chance. Ah ouais, c'est un peu bizarre parce qu'il te montre des trucs. Des fois, tu dis ouais, mais tu comprends. C'est-à-dire que sur le coup, tu te dis mais où est la chance ? Tu comprends. C'est-à-dire qu'une fois que tu as passé le truc et que tu vois ce qui se, enfin, voilà, tu et tu comprends ce qui se serait passé normalement, tu fais. Voilà, c'est-à-dire qu'arrive, il y a un moment, paf, on va passer, je sais pas, une succession de trucs et notre personnage. On va le retrouver dans telle situation où il y a un personnage, voilà, il va se passer un truc et on va comprendre, on va faire le lien, on va faire ah d'accord. Donc ça c'était voilà, effectivement, là on se dit oui effectivement j'ai eu de la chance, oui d'accord, ok je comprends mieux le oui j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance. Donc du coup voilà, ça c'est le système de thème. Je trouve ça marrant. C'est marrant parce que du coup ça. Ouais, ça fout une pression supplémentaire, c'est-à-dire que voilà, on va le voir plusieurs fois pour essayer de repérer le cadre. Et moi, il y en a un, de toute façon, je reviendrai sur ça. Il y en a un comme ça, où je ne comprenais pas. Et en fait, il y a un moment, il y a une séquence où il faut vraiment être observateur, sinon on se fait niquer comme une grosse merde. On ne meurt pas, mais on se prend une belle carotte moldave. D'accord. Comme d'hab, la carotte moldave. C'est ça, parce que c'était vraiment sur les. C'était un papillon jaune, donc un totem du conseil. Et j'ai vu le truc, j'ai fait mais. Voilà, c'est-à-dire que. En gros, on voyait un piège à ours qui se fermait sur une main. D'accord. Donc moi, comme un connard, je cherchais un piège à ouf, un piège à ours partout. Et en fait, voilà, il y a un endroit, faut vraiment faire gaffe. Parce que, voilà, comme il y a le système d'indices, on a envie d'être curieux et de toucher à tout. Oui. C'est pas spécialement une bonne idée. Il y a un moment, voilà. Mais avec quand j'ai fait deuxième fois, j'ai fait oui, j'étais un peu con en fait, parce que ça sentait le traquenard à 2000 quoi. Voilà, mais comme t'es con, on t'en veut pas. Voilà, et donc du coup, ça pareil. Alors, le côté du piège à ours, donc quand ça arrive, donc si ça n'arrive pas, c'est bénef, parce que ça va avoir un impact au niveau de l'effet papillon, mais si ça arrive, on a deux choix. C'est-à-dire soit batailler pour essayer de libérer notre main, soit fuck et se trancher les doigts. Ce qui aura bien sûr un effet par la suite. Bah oui, voilà, bien entendu. Donc, c'est moins drôle. Ça, c'est un bel exemple de voilà. C'est-à-dire qu'il y a, trois possibilités possibles. C'est-à-dire ne pas faire, et tant mieux. Le faire et perdre quelque chose et garder une main. Ou garder autre chose, mais perdre des doigts, quoi. C'est. Donc, non, c'est. Voilà, c'est bien foutu. C'est bien foutu. C'est bien pensé, c'est bien réfléchi et honnêtement, voilà, pour revenir sur le côté indice, ouais, bien joué. Honnêtement, voilà, moi je tire mon chapeau parce que c'est bien joué. Voilà. C'est donc. Pense qu'en tirant ton chapeau, on peut partir en pause musique. Totalement. On peut partir faire une petite pause musique. Et donc, bah, du coup, prévenir qu'après la pause musique, ça sera l'histoire. Eh ben oui, on va parler de l'histoire. Oh mon Dieu, mère ils sont fus. Mais oui. Donc il y aura du spoil, voilà. Voilà. Et donc on se fait voilà le jingle pause musique, hein, bien entendu. Toujours. Voilà. À tout de suite, les gens. Eh bien, c'était encore une belle musique. On a entendu comment tu t'es retenu. Oui. Je voulais crier une vieille insulte, mais elle n'est pas montée. C'est-à-dire qu'en fait, Puck essaye de péter depuis tout à l'heure. Non. Non, j'ai pété. Et là, maintenant, je canalise. Ça va être dur. Et je ne finirai pas cette phrase. Non, le morceau que vous avez écouté, si tout se passe bien, c'est Odes de Jennifer Tunis, si je ne dis pas de bêtises. Et qui est donc la chanson qu'on entend en début et en fin de jeu. C'est en gros le thème principal du jeu. Et on va pouvoir partir sur le scénario. Et oui, on va parler du scénario. Enfin ! Et on va spoiler comme des enculés ! Enfant de pute! Exactement. Pardon. Attention, je vais boire. Mais moi aussi. Moi, j'ai bu déjà. Du coup. Le scénario, parce que moi, bon, je dois avouer, comme d'hab, vous avez l'habitude, je n'ai pas de PS4, donc je n'y ai pas joué. La seule chose que j'ai vue, j'aurais pu voir le jeu en entier. Mais j'ai regardé que l'intro, en fait. Donc, je ne connais pas plus que ça. Donc, je vais laisser mon petit Puck m'éclairer sur ce que j'ai loupé. Donc, l'intro, il me semble déjà avoir commencé à la raconter au début. On a raconté l'intro, hein, oui. Donc, du coup, donc, j'en étais au passage où donc, chacun se croise, se retrouve. Et donc, ça va me permettre de parler... Les jumpscares. Oui, les jumpscares, ouais. Oui, parce que, effectivement, c'était pas tellement primordial d'en parler dans le point gameplay, mais il y a des jumpscares. Beaucoup de jumpscares. Oui, mais alors beaucoup au début. Parce qu'une fois que ça commence à devenir un peu plus sombre et sérieux, c'est plus modéré. Mais c'est vrai qu'au début, je sais pas pourquoi, mais ils emballent. Mais c'est Mazel Tov. C'est-à-dire qu'ils en balancent à tous les coins de rue. Mais comme j'ai pu te le dire au téléphone, ce sont des jumpscares qui sont prévisibles, qui sont attendus et pourtant efficaces. Ça dépend desquels, je trouve. Hein, parce que moi, le peu que j'ai vu... On va dire que si je devais dire le plus efficace de tout, c'est quand même le glouton dans le meuble de la salle de bain. Oui. Alors celui-là, c'est the number one, c'est the best of the best. Parce que celui-là est balèze. Il y en avait un autre aussi qui était balèze, mais il ne me revient pas, donc c'est vous dire que le glouton, c'est le meilleur. T'as une vue ou que t'as une mémoire de merde, mais ça, on n'osera pas dire. Ce qui est fortement le cas, bien sûr. Et bon, voilà. C'est le petit point jumpscare. Et donc, quand ils se sont tous, donc ils se retrouvent tous... Ils se rendent compte que la serrure est gelée et donc il faut que quelqu'un rentre par effraction dans la maison et aille donc trouver un moyen de l'ouvrir. Donc déjà, voilà, premier cliché, il y en a un qui se retrouve tout seul dans la baraque avec un briquet, on se dit « Oh mon Dieu !» Et en fait non, et donc il y a le fameux glouton à un moment. Mais déjà, il y a une grosse ambiance, c'est-à-dire que l'électricité lâche, donc ils n'ont plus de courant, ils n'ont plus d'ampoule. Et donc voilà, ça va être éclairé à la lueur du feu de bois, des bougies, enfin... Hein, au taquet. Voilà. Au taquet biqué. Et donc, du coup, il réussit. Voilà. Bon, ça, c'est pas primordial, mais il réussit à ouvrir la porte. Il se retrouve dans la maison. Ensuite, là, comme dans tout type de film, bien entendu, il y a Emily qui va se friter avec la nouvelle copine de Mike, donc son ex. Il y en a un qui va essayer de calmer le jeu ou pas, en fonction de ce qu'on choisit. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, Josh, celui qui, donc, le cool, hein, le grand frère des deux sœurs disparu, qui organise le truc, dit oui, on n'est pas là pour ça, machin. Et il va chasser, donc, il va chasser. Il va dire à Mike et Jessica d'aller dans la cabane de l'amour. Oh. Le nid d'amour. Qui est une cabane qui se trouve au beau milieu de nulle part, bien loin dans les bois, qui servira à ceux qui veulent s'isoler pour baiser comme des porcs. Mais déjà, c'est une petite cabane qui se trouve au fond des bois. Techniquement, voilà. C'est au fond du jardin, mais... Non, mais là, tu vois, comme c'est une grosse résidence, ça fait une petite cabane, c'est une petite cabane, mais une petite maison, quoi, une petite maisonnette, qui se trouve au fond du truc. Donc, il y a tout, tu dois traverser tout le bois pour y aller. Et donc, là, les séparations se commencent. Donc, il y en a une qui va aller prendre sa douche. Il y a Emily, enfin, Sam va prendre sa douche. Emily et Matt vont chercher le sac qui a été oublié à l'entrée du machin, pareil, mais ils vont prendre un chemin complètement à chier pour y aller parce qu'il faut faire tout le tour parce que sinon, c'est pas drôle. Pendant ce temps-là, Mike et Emily, eh ben, ils se perdent dans les mines. Dans des mines bien glauques. Donc, tout le monde est séparé. Il va se passer divers trucs. Donc, Sam va vouloir avoir de l'eau chaude, elle va descendre. Ils vont entendre des bruits bizarres, ils vont avoir peur, mais en fait, c'était Chris. Ah, voilà. C'est un déroulement classique du début de truc. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui font peur, mais qui en soi sont pas, en fait, c'est comme dans ce genre de film. Au début, ça fait peur. Mais c'est juste eux qui se font peur. C'est juste eux qui sont complètement cons, en fait. Voilà, qui font les guignols. Et donc, forcément, quand ça va commencer à être la merde, ils vont tous penser que, oh, trop drôle la blague. Sauf que non. Sauf que le nope pas cette fois. C'est ça. Et donc, la merde commence sérieusement. Shit, it's the fan. Parce que donc, Mike et Jessica donc, arrivent dans cette petite, dans ce petit digne d'amour. Et Jessica, donc en cours de route, a perdu son téléphone. En fonction des choix qu'on aura fait, eh ben, on va commencer plus ou moins à la dessaper ou pas. Et pendant qu'il s'apprête à passer aux choses sérieuses, bam, gros bruit de la musique et de la neige partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a lancé le téléphone portable par la fenêtre et l'a brisé. Lol. Donc forcément, Jessica pense que c'est la bande de couillons d'à côté qui leur font une blague. Elle sort, elle gueule. On a un point de vue un peu chelou de la situation. Une vision un peu chelou, donc du coup, on se dit, mais qu'est-ce qui les observe? Elle ferme la porte. C'est un peu, allez mon gogo, on va y aller. On va se lancer. Et là, qu'est-ce qui se passe? What the fuck happening? Quelque chose, on ne sait pas quoi, chope Jessica et la fait sortir par la petite fenêtre de la porte. Et là, les choses sérieuses commencent, parce que donc Mike décide d'aller la chercher. Et en allant la chercher, qu'est-ce qui se passe? Il arrive dans les mines. Des espèces de mines cheloues désinfectées. Il va tenter. Oui, on se comprend. Donc ces mines-là, on y reviendra forcément plus tard. Mais donc il y arrive. Voilà, Jessica tombe dans une espèce de puits, on ne sait pas trop quoi. Donc il décide d'escalader pour suivre une créature bizarre qu'il a vue à travers les lunettes du fusil qu'il a récupéré dans la cabane. En grimpant, il va voir un homme un peu bizarre qui s'en va. Il va donc le poursuivre, ce qui va l'emmener dans un hôpital psychiatrique désinfecté. Désaffecté. Désaffecté, je te dis. C'est désinfecté, ça veut dire qu'il a plus de bactéries. Hein, donc. Ah, il est très très propre. Un peu abîmé, mais très très propre. Voilà, c'est il est très abîmé, mais très propre. C'est ça, c'est un établissement c'est médical, monsieur. Très propre. Très très sale. Très très sale. Très très sale, tout à fait. C'est très sale. Et... Et donc du coup, donc il va faire plus ample connaissance avec des événements qui se seraient passés en 1952. Donc on est toujours, il y a cette continuité sur les événements de 1952. Qu'on continue, enfin, on découvre les premiers événements dans la mine, ensuite dans l'hôpital, on se dit mais on s'en bat un peu les steaks, on va dire dans l'histoire, parce qu'on se dit ben ça va rien. Entre temps, on aura trouvé des indices sur les jumelles. Donc, il nous indique que, voilà, elle s'entendait bien, que l'autre aimait Mike, et qu'il y en a une qui avait un tatouage, un collier, tout ça. Bon, les premiers indices sur les jumelles, on s'en bat un peu les steaks, mais il faut quand même les récupérer. Et on récupère des coupures sur un homme mystérieux. Donc, on apprend que la famille Washington aurait eu des soucis avec un ancien concierge habitant là, qui apparemment voudrait à Washington d'avoir... construit leur propriété ici, que c'était la terre de ses ancêtres, et que il a fait des déclarations disant que il allait se venger des Washington, qu'il attendait avec impatience la naissance des deux filles, qu'il allait faire, en gros, qu'il allait s'occuper des deux filles. On apprend aussi que c'était un pyromane, et à moult reprises dans le jeu, on est confronté à un homme, enfin confronté, on aperçoit un homme dont le visage est caché et qui transporte un lance-flamme. Voilà, parce que les bonnes ambiances. Voilà, parce que les bonnes ambiances. Et là, les indices sur cet homme mystérieux, il y en a pas mal. Ils sont très, très gros. Et on se dit, bon, ok, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont traqués par cet homme-là. Et c'est cet homme-là qui a tué les sœurs. Voilà, c'est ce que n'importe qui se dit. Hein. Exactement. Et donc, pendant ce temps-là, il y a Chris, Ashley et Josh qui décident de faire une séance de table de Ouija. Séance et là, de spiritisme. De spiritisme. Et ce qui se passe, c'est qu'ils rentrent, en communication avec les sœurs, avec l'une des sœurs, qui leur dit qu'ils ont été trahis, qu'ils ont été tués, et qu'ils peuvent trouver des indices dans la bibliothèque, tout ça. Et donc, la bibliothèque, ils trouvent une photo en disant, voilà, ça y est, je vais me venger. Et c'est à ce moment-là que Josh, qui est bouleversé par cette séance, c'est le message de ses sœurs, décide d'aller s'isoler. Et on l'entend en difficulté avec un individu. Ashley s'empresse d'y aller. Ashley se retrouve enfermée dans la cuisine. Et on entend qu'elle se fait agresser. Chris court derrière, essaye d'ouvrir la porte, y parvient enfin et se fait assommer par un mec chelou avec un masque bizarre. Pendant qu'Ashley, elle, se fait enlever. Vlapapam. Drapapapapam. Pendant ce temps-là, Matt et Emily partis à la recherche du sac rose qu'on finit par apprendre que ce sac contient les petites culottes en dentelle d'Emily et que du coup c'est très important d'y aller. Ah bah oui, non mais forcément. Ah forcément c'est. Ah oui, non, mais même moi j'y serais allé. Hein. C'est primordial. Décide que oh là là, c'est la merde, ils sont bloqués, il faut trouver un chemin. Donc du coup, hop, ils cherchent un chemin et hop là, on passe à la suite. On retourne à Mike. Qui donc réussit à sortir de l'hôpital et se retrouve dans les mines. Et qui, en tentant de s'échapper de ces mines, fait exploser des barils. Plap, retour à Chris et Ashley. Je simplifie le truc, hein, parce que je ne vais pas vous raconter tous les éléments. Oui, non, parce que sinon ça va devenir long, on n'a qu'une demi-heure, donc... C'est ça, donc voilà. Chris se réveille dans la cuisine, suit des traces de sang, il y en a beaucoup, il se dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Ces traces de sang l'emmènent dans une espèce de petite grange, et là, il se rend compte, oh là là, mon Dieu, quelle horreur, Ashley et Josh sont attachés à un mur face à des rails où il y a une scie circulaire montée sur un petit moteur. Et là, une voix, on ne sait pas c'est qui, lui dit « Bonjour Chris, je te propose un jeu ». Est-ce que la voix est grave et genre distordue ? Oui. Ah bah moi ça m'a fait penser à la voix de Jigsaw. De Jigsaw. Hein. C'est ça. En fait, en même temps, Jigsaw a été cité Saw a été cité comme inspiration de ce jeu, donc. Ah bah clairement. Non mais clairement. Clairement, c'est-à-dire que voilà. Un peu stupide, mais bon, bref. C'est ça. Et donc du coup, la voix dit, voilà, tu dois choisir entre l'un des deux va mourir, c'est toi qui choisis qui sauver. Donc là, on peut choisir de dire à Josh je vais te sauver ou de dire à Ashley je vais te sauver. Et puis, on choisit qui va se faire tuer. Petit lol, quoi qu'il arrive, ce sera Josh qui se fera trancher en deux. Donc là, on a le droit à une scène où il crie « Oh mon Dieu, c'est pas ce que je voulais faire, quelle horreur !» La scie avance, Josh se fait bien trancher en deux, on voit bien les boyaux, les intestins et tout ça, c'est mignon. Donc on va décrocher Ashley, « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et ça pleure, et ça chouine, et ça s'en sort, et ils savent pas quoi faire. Et là, oh, il tombe sur Matt et Emily, il leur raconte ce qui s'est passé, Matt et Emily disent « Oh mon Dieu, vous devez rentrer au chalet, nous on va aller chercher de l'aide. » Bien sûr, on va pas rentrer c'est au chalet. Séparons-nous encore. C'est ça, séparons-nous, allez vous mettre à l'abri, on va chercher de l'aide. Bon, ils vont jusqu'à la cabine téléphérique pour essayer de s'en aller et trouver de l'aide. Mon Dieu, il y a une hache plantée dans la porte, le local a été saccagé et il n'y a plus la clé du téléphérique. Qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, un plan de la montagne. Oui, un peu ça, ils auraient mieux fait de faire ça d'ailleurs. Ils auraient mieux fait de faire ça, clairement, ouais. Mais oh, qu'est-ce qui se... Non mais voilà, là je résume, je le fais avec beaucoup d'humour parce que c'est des trucs qu'on a vu et revu dans plein de films. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, il y a un plan. Oh, il y a une tour de Rangers avec une radio. On pourrait peut-être appeler de l'aide. Allez, direction. Donc plusieurs fois, voilà, ils ont failli se vautrer la gueule dans le vide. Ils ont failli se faire tatane la gueule par une armée de cerfs. Et enfin, ils arrivent dans cette fameuse tour radio. Ils arrivent à remettre le courant, à allumer la radio. Malheureusement, ça capte pas bien. Tout le long, le ranger comprend pas ce qui se dit. À la fin, il fait très bien. Nous avons compris ce qui vous arrive. Nous envoyons des renforts dès l'aube, parce qu'avec la tempête, on ne peut pas faire grand chose. Voilà, d'où le Until Dawn, en fait. Voilà, donc, lol. Donc, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, restons dans la tour radio. Et là, pouf, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui attaque la tour et qui tranche les câbles et la tour s'effondre. Oh mon Dieu, on va tous mourir. Et ils tombent dans un trou et là, oh, ils sont suspendus dans le vide. Et alors là, en fonction de ce qu'on fait, eh bien, on va peut-être réussir à sauver, enfin, on va peut-être essayer de vouloir sauver Emily, ou si on joue mat, hein, parce qu'on joue mat, ou alors essayer de se mettre à l'abri pour pouvoir mieux l'aider, mais soit on, voilà. Donc, on va dire que Matt se met à l'abri, qu'Emily tombe dans le vide. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Des bites. Oui, des bites. Et là, pouf, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Sam est dans son bain tranquillement, elle écoute de la musique, elle en a rien à foutre de ce qui se passe à l'extérieur parce qu'elle n'a rien entendu en fait. Et là, on voit un mec chelou juste à côté d'elle qui sort, il claque la porte, les bougies s'éteignent et là, elle enlève ses écouteurs et... Très drôle les mecs, super la blague, je trouve pas ça drôle. Et pile poil ce que j'expliquais. Hein. Oui, bah oui, voilà, exactement, pile poil ce que t'expliquais, ouais. Et donc, du coup, elle enfile sa petite serviette. Donc, nous jouons Sam uniquement vêtu de sa petite serviette qui, elle la retient à chaque fois, mais il va y avoir un moment de course-poursuite. C'est marrant, la serviette ne bouge pas d'un poil. Ah bah oui, bah ça... Mais c'est pas parce drôle. Qu'elle est bien attachée. Ah bah, elle est très bien attachée à celle-là. Moi, j'espérais qu'au moins, un petit détail allait s'échapper. Un petit coucou de son anatomie, même pas. Et donc, du coup, elle sort de la salle de bain, et là, il y a des bougies partout, il y a des ballons gonflés à hélium qui lui indiquent un chemin à prendre. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Elle suit le chemin, et là, paf! Elle arrive dans la salle de cinéma du chalet. Hein, ouais, paf, ça fait des chocs à pic, oui. Ah, ça serait pas aussi flippant. Mais donc, elle arrive dans la salle de projection de cinéma du chalet, parce qu'il y a une petite salle de cinéma dans le chalet. Te dire à quel point c'est un chalet de fou. Ah oui, mais même moi, j'ai des salles de cinéma dans mon chalet. Ah, tout le monde a un chalet déjà et a une salle de cinéma. Et non, en parlant de chalet, je pense... Je suis extrêmement choqué. Hein. Non, mais voilà, je comprends pas ceux qui n'ont pas de salle de cinéma. Et en parlant de chalet, je viens d'y penser. Non, mais... Voilà, c'est ça. En parlant de chalet, il y a un truc qui me choque que tu n'as pas dit. Mais c'est pas plus mal. Mais qu'Antoine Daniel adorait ce jeu. Voilà, Antoine Daniel adore quand les gens redisent ça, hein, bien entendu. Bah oui, parce que honnêtement, enfin là, le jeu entre nous, ça arrivait qu'une fois et c'était au chalet. Voilà. Et donc, encore la voix du psychopathe. Bonjour Sam, cela fait un petit moment que je t'observe. Et la projection, hop, des images d'eux à leur arrivée, ils se rendent compte qu'ils étaient filmés. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Et là, le mec chelou avec le masque qu'on a vu au début, paf, il fracasse sa porte. Il arrive, il a une bouteille de gaz dans une main et un masque à gaz dans l'autre. Il n'y a aucun câble qui les relie. Je ne sais même pas comment il fait passer le gaz de l'un à l'autre. C'est de la folie furieuse. Avec sa bite. Il doit y avoir un système comme ça. Et donc, du coup, il pourchasse donc Sam. Et donc, Sam arrive à se cacher. On va prendre cette optique-là hein, parce que voilà, il y a plusieurs possibilités. Mais donc, du coup, voilà, il poursuit. Elle arrive à se cacher. Et elle n'est donc pas capturée. Plouf! On revient sur Rach et Chris. Donc, ils sont dans le chalet, ils comprennent pas ce qui s'est passé. Sam a disparu, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, machin. Donc, ils vont voir au sous-sol ce qui s'est passé. Ils vont voir au sous-sol. Et qu'est-ce qu'ils voient au sous-sol? Ils voient des fantômes. Mais un fantôme en particulier, c'est celui d'Anna. Mon Dieu, le fantôme d'Anna essaie de les guider, de leur montrer des choses, de leur faire peur aussi. Et donc, ils découvrent... Oh, je t'ai eu, enculé! Ouais, mais c'est ça, et en fait, ils découvrent qu'ils sont filmés, qu'en fait, il y a quelqu'un qui est en train de les filmer, que la personne qui leur fait ça leur en veut personnellement pour ce qui est arrivé, parce que la personne sait ce qui s'est passé, donc ils sont persuadés qu'en fait, c'est le fantôme d'Anna qui va se venger de la blague qu'ils lui ont fait il y a longtemps, enfin, il y a un an, donc du coup, ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? C'est horrible. Est-ce qu'on va sucer des pénis? C'est ça. Ensuite, donc, retour sur Matt et Chris, donc, ils vont s'échapper des mines, qui vont rencontrer, par contre, des créatures un peu cheloues. Et pour s'échapper des mines, c'est Emily qui va faire la rencontre la plus importante. J'ai peur. J'ai sincèrement peur, en fait. Elle va rencontrer le mec au lance-flammes. Et là, on se dit, putain de merde. Et le mec au lance-flammes, au lieu de la tuer, la relève, il dit, tiens, prends mon sac, fuis, je m'occupe d'eux. Créature chelou. Bon, ok, donc on s'échappe pour chasser par la créature qui va finir par mordre Emily. Pendant ce temps-là, Matt a réussi à s'échapper aussi. Il aura recroisé Jessica d'ailleurs sur la route. Il me semble, parce que les éléments se croisent, c'est un peu bizarre. Enfin bref, voilà. Ash et Chris, donc après les recherches, se font capturer par le mec chelou. après avoir découvert des trucs un peu bizarres dans un vieil hôtel qui est juste apposé en fait au chalet par des tunnels. Et donc là, le psychopathe est de retour et il leur propose, donc il dit à Chris, écoute Chris, tu as déjà fait un choix, tu peux en faire un deuxième, soit tu te tues, soit tu tues Ashley, soit vous faites défoncer par les scies qui vous se rapprochent de vos têtes. Donc, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire, tout ça. Et donc, bon, là, on choisit ce qu'on va faire. Et alors là, c'est l'un des gros moments clés du jeu. Et honnêtement, honnêtement, je ne m'y attendais pas. Honnêtement, c'est dire hein, que c'est bien foutu. On apprend, donc le psychopathe arrive, tout ça. Et on apprend que ce psychopathe n'est autre que Josh. Qui leur a fait une blague pour se venger. Parce qu'on apprend que Josh, suite à la mort de ses deux sœurs, a eu de gros problèmes psychiatriques, qu'il est allé voir un thérapeute, qui n'est autre que le docteur, et en fait, on se rend compte que les séances qu'on a avec ce docteur, en fait, se passent dans la tête de Josh. Et en fait, le personnage qu'on joue lors des séquences de thérapie, on joue Josh, en fait. Ouais. Et on apprend à la fin, donc... que voilà, qu'en fait, tout ça, ça se passe dans la tête de Josh, en fait, ces séances avec le thérapeute, mais le thérapeute lui dit... Oui, vous êtes fou. Et en fait, on se rend compte que c'est Josh qui prend au fur et à mesure conscience de que ça va pas, en fait. Mais il serait peut-être temps, pas ce putain. Et donc, on comprend mieux pourquoi il y a des changements de décor complètement what the fuck par un moment avec le thérapeute. On se dit, mais c'est quoi ce délire? Et on comprend mieux pourquoi, parce que tout ça, en fait, n'est bah, réel, n'est pas réel. Est-ce que c'est des souvenirs de la thérapie qu'il a eue avec le docteur et de ce qu'il lui a dit, donc du coup, de ce que le docteur lui a dit? Est-ce qu'il... voilà, on pense que c'est pas réel, mais est-ce que c'est pas réel parce que c'est dû à un souvenir? Est-ce que c'est des séances qui ont réellement lieu? On ne sait pas, en fait. Ouais. Et donc, du coup, ah, bah, ça ne fait rire personne, ils lui en veulent, lui, il pète un câble, Mike veut le défoncer parce qu'il l'accuse d'avoir tué Jessica, sauf que Josh n'est pas au courant. Il fait, mais non, j'ai rien fait, c'est pas moi, je l'ai pas tué, tout ça. Ils vont donc enfermer Josh dans la grange où il avait simulé sa mort. En fait, il avait utilisé des tripes de cochon qu'il avait mis dans un mannequin, dans un mannequin. Et en fait, lui, était derrière la cloison avec la tête posée dessus, ce qui explique le pourquoi du comment. Et donc, du coup, il l'attache à un bar en bois, une poutre, et il décide de le laisser et de rentrer au chalet où tout le monde est réuni. Sauf Matt et Emily, je crois. Oui. Si, Matt et Emily sont là. Ben, ça dépend comment on a joué le truc. Mais bon, voilà, on va dire qu'ils sont là. Ben, ils sont là, tout le monde est réuni pour une fois. Merde. Tant mieux. Merde, tout le monde est là, allez vous faire foutre. C'est ça. Et donc, du coup, au moment où ils sont réunis, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Mais il est complètement malade, Josh. Mais pourquoi il a fait ça? Pouf, quelqu'un frappe à la porte. Et ce quelqu'un n'est autre que le mec au lance-flamme. Et donc là, on se dit, bon... Qu'est-ce que le fuck de fuck? Et donc, on apprend que ce mec, en fait, au lance-flamme, ça fait plusieurs années qu'il vit, en fait, sur ces montagnes et qu'il tente de contenir les Wendigo. Ouais, d'accord, oui, je vois. Très bien. Mon Dieu, ils sont carrément allés jusqu'à prendre cette mythologie-là. Oui, oui, oui, oui. Oui. Et donc, il explique, en fait, que ce qui s'est passé en 1952, c'est qu'il y a eu un accident dans la mine. Et que du coup, en fait, il y a 30 mineurs qui se sont retrouvés en fait coincés pendant plusieurs jours, sans nourriture. Et ils ont fini en fait par se manger l'un l'autre. Enfin, ils ont commencé à se dévorer entre eux. Sauf qu'en faisant ça, en fait, ils ont appelé l'esprit du Wendigo. Oui, oui. Parce qu'à partir du moment, en fait, il explique qu'à partir du moment où un humain mange un autre humain, il appelle l'esprit du Wendigo. Et ils ont commencé eux-mêmes à se transformer en Wendigo. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a eu des accidents à l'hôpital. Et c'est pour ça, en fait, les Wendigo qu'il y a dans la forêt, en fait, ce sont ces mineurs, en fait, qui continuent de zoner. Et lui, en fait, il explique que leur peau résiste aux balles, qu'ils sont quasiment... qu'ils sont invulnérables. Et qu'à chaque fois qu'on arrive à en tuer, en fait, l'esprit du Wendigo s'échappe et va posséder quelqu'un d'autre. Si quelqu'un vient manger de la chair, bien sûr. Non, l'esprit, il se balade, quoi. Et que du coup, ça fait plusieurs années qu'il essaye de contenir cet esprit du Wendigo avec le feu, parce qu'il craint le feu, donc il veille sur la montagne. Et donc là, on se dit, ah, donc d'accord, donc en fait, tout ce qui était par rapport à l'homme mystérieux, on apprend en fait que c'est Josh qui a tout créé en fait de toutes parts, parce qu'en fait, son père travaille dans l'industrie du cinéma, et du coup, il s'y connaît. En plus, il travaille dans l'industrie du film d'horreur, son père, Josh. Oui, et voilà, que du coup, il fallait qu'il ait les connaissances. Donc du coup, il s'y connaît. Donc du coup, il a truqué toute la maison avec des systèmes de, d'effets spéciaux. Il a monté de toutes parts cette histoire d'homme mystérieux. Il n'y a jamais eu d'homme mystérieux, en fait. Et en fait, du coup, bah voilà. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé avec les sœurs. Enfin, le mec explique que apparemment, elles étaient pourchassées par un Wendigo et qu'il a voulu les sauver. Et c'est pour ça qu'en fait, au début du jeu, en fait, elles sont dans, accrochées dans le vide. Et lui, il arrive, il leur tend la main pour les sauver, sauf qu'elles décident de pas, de voilà, quoi qu'il arrive, elles meurent, quoi. Et qu'il s'en veut de pas avoir réussi, mais que maintenant, il faut que les jeunes s'en aillent parce qu'ils sont en danger, qu'ils ne peuvent pas rester, que voilà, vous êtes bien tous réunis pour vous mettre en sécurité. Ben non, bande de petits coquinous qu'ils sont. Ils avaient enfermé Josh à l'extérieur. Qui avait commencé à manger de la chair et qui est devenu un Wendigo et qui est mort. Et c'est donc du coup, non. Non, et donc du coup, ils vont voir pour essayer de sauver Josh. Josh qui a été enlevé par les Wendigo. Ah oui, forcément. Donc du coup, c'est la merde. Donc du coup, bah, ils y vont. Le mec au lance-flamme, en tout cas pour ma part, est mort, a été tué. Ils décident donc de tous se mettre à l'abri au sous-sol dans une espèce de cage. Puis finalement, ils décident de se séparer pour essayer de retrouver tout le, enfin, de retrouver Matt, Emily, Jessica, et puis Josh, parce qu'en fait, ils se rendent compte que c'est Josh qui a les clés, du coup, du téléphérique. Donc, on va tous se séparer pour essayer de le retrouver. C'est tellement plus intelligent. Bah oui. Voilà. C'est comme ça et que ça bon, marche dans la vraie vie. C'est ça. Et donc, là, on se rapproche de la fin du jeu. Donc, Josh a été capturé, mais n'a pas été tué par le Wendigo. On se dit, tiens, c'est bizarre. On se rend compte de, que dans ses délires, en fait, il obéit à ses sœurs, que c'est ses sœurs sous forme de fantômes qui viennent le hanter et qui lui ont dit de faire ça. Elle est complètement à l'ouest, hein. Psychologiquement, il est mort, le mec. Hein. Oui, bah oui. Et donc, du coup, lors de cette recherche, on tombe sur le dernier indice des jumelles. Parce qu'entre-temps, on a retrouvé une tombe vide, une croix où était inscrit le nom de Bess, des marques sur le mur qui démontrent que quelqu'un a passé plusieurs jours dans la caverne, et aussi un mannequin super flippant composé d'un amas de pierre, du manteau de Bess et de sa tête décomposée. Yes. Et du coup, donc on trouve un journal qui est autre qu'un journal tenu par Anna. Et on apprend en fait que lors de la chute, elle n'est pas morte. Mais que Bess, oui, et qu'elle l'a enterrée, et que du coup, elle n'arrivait pas à remonter, elle ne trouvait pas de sortie, personne ne l'a retrouvée, elle a crié à l'aide plusieurs fois, on n'est jamais venu la chercher, et que c'est long, et qu'elle a faim, et qu'elle se sent faible, et qu'elle s'excuse, et que Bess, je suis désolé, je m'en veux, c'est horrible ce que j'ai fait, et enfin des gribouillis. Comprends-tu? Commences-tu à comprendre alors? Oui, c'est elle qui est devenue folle, qui a tué tout le monde, ou qui est devenue un Wendigo. Et effectivement, elle sait, en fait, on découvre que Anna s'est transformée en Wendigo, qu'en fait, elle se marave la gueule avec les autres Wendigo. Ce qui ne l'empêche pas de vouloir tuer tout le monde, bien sûr. Et alors, en fonction des choix qu'on a fait, il y a, moi, en tout cas, en fait, Anna va reconnaître Josh, parce que Josh va se retrouver, en fait, va être attrapé par Anna. Donc, Anna va reconnaître Josh, et comme nous on lui a expliqué ce qui s'est passé, et ben Josh va reconnaître Anna grâce au tatouage qu'elle a sur le bras. Un tatouage de papillon. Lol. Et donc du coup, donc en fonction de qui survit pas, on se retrouve tous dans le chalet. Les Wendigo ont pris le chalet d'assaut. On a appris avant que, en fait, les Wendigo ne détectent que les mouvements. Donc si on reste immobile, ils ne nous voient pas. Voilà, d'où le fait que si tu fais pas d'action, si tu ne bouges pas, tu ne te fais pas attaquer. Voilà. Et donc, le plan étant pour s'en sortir de péter une lampe, qu'est-ce qu'il y a suite à un combat, parce que les Wendigo, donc t'as les Wendigo, les mineurs, et la Wendigo Anna qui se foutent sur la gueule dans le chalet, en fait. Et ils ont détruit un tuyau de gaz. Et donc, le bon plan, c'est de péter une ampoule, d'essayer de sortir bien tranquillement du chalet et d'allumer la lumière pour que le chalet explose et ainsi tuer tous les Wendigo qui se trouvaient, comme de par hasard, tous dans le chalet. Et voilà. Et c'est la fin du jeu. Et c'est la fin. Et donc, sur le générique, en fait, donc, en fonction des survivants et des actions qu'on a fait, on les voit, en fait, qui parlent, comment dire, de ce qui s'est passé, de la nuit, des rapports qu'ils ont eu avec les uns les autres. Et alors, en fonction de pareil, de comment on a interagi avec Josh, et du fait qu'Anna ou Josh a reconnu tout ça, on le voit soit mort, soit vivant. Il me semble qu'il y a une fin où on le voit mort, et une autre fin où les flics arrivent, donc cherchent des survivants, des cadavres, et on les voit. Et donc, on voit une forme en train de bouffer quelque chose par terre. Ils arrivent, ils font « Oh, il y a un survivant !» Et on se rend compte que Josh a commencé à se transformer en Wendigo. Parce que ça faisait plusieurs jours qu'il était coincé, qu'il avait commencé à bouffer de la chair humaine. D'accord. Et voilà, le jeu se termine ainsi. D'accord, donc laissant envisager peut-être une suite un jour. Une suite ou une nouvelle histoire ou plein de choses. Plein de choses. Et voilà, et en fait, c'est... je pense qu'on prend encore plus conscience que c'est du... Ah, je le répète, c'est du classique de chez classique, c'est du vu de chez vu, c'est du copier de chez collé. Oui, voilà. Surtout que les Wendigo, c'était le sujet du deuxième épisode de Supernatural, donc... voilà, en plus, que du coup... mais que c'est bien tourné, parce que on se doute pas qu'il y a des Wendigo. Oui, voilà. Bah, mis à part si on est expert en mythologie, on va pas faire le rapprochement tout de suite entre les événements de 1952, les créatures, les Wendigo, on le sait pas. Pour nous, les jumelles, elles sont mortes, donc on s'attend pas à ce retournement du fait qu'il y en a une qui est survécue, qui bouffe l'autre, qui s'est devenue un Wendigo, C'est bien trouvé, c'est bien amené, parce que c'est vraiment à la fin de fin que paf, c'est balancé, quoi. Et c'est bien amené, c'est-à-dire que malgré les indices, on n'ira jamais penser à ça. C'est une fois qu'on a vu le journal qu'on se dit putain, qu'on voit tous les éléments, qu'on fait oh, le délire, quoi. Pareil, le mec avec le lance-flamme, on se doute pas un seul instant qu'il est là pour les sauver. On a plutôt l'impression qu'il est là, je sais pas, pour les tuer, pour leur faire peur. On se doute pas que c'est une blague de Josh, ce qui se passe finalement d'un côté. C'est très bien amené. C'est très bien construit, c'est bien amené, c'est pour ça que j'ai trouvé ça très très fort, c'est-à-dire que c'est de prendre quelque chose qui en soi est un teen movie, un slasher, ce que tu veux, c'est très prévisible. Bah oui, oui, oui. Et là, le fait de, c'est nous qui prenions les décisions, bah on sait pas vraiment où ça va nous mener, pareil, l'histoire en... On a l'impression, on est déçu limite au début en voyant les indices, on se dit mais non, mais c'est grillé, c'est ça, il va se passer ça. Puis comme tu m'as dit toi, finalement on va découvrir que ça va changer ça, ça. Et que... Mais non, en fait, du coup, on est trompé dès le début. Et voilà, les rebondissements sont bien amenés. C'est très con parce que le frère qui se venge, souviens-toi, l'été dernier. Oui, bah c'est ça. Voilà, c'est un peu ça. C'est un mec qui se venge de ce qui s'est passé l'été dernier. Voilà, c'est Josh qui se venge de ce qui s'est passé il y a un an. Le saut avec la boucherie, le psychopathe qui dit on va jouer à un jeu et machin et tout ça. Bah oui, surtout que moi ce que j'ai lu sur Wikipédia, c'est que sur le site IGN, c'est pas IGN, c'est IMDB je crois. Je sais plus. Enfin bref, sur un des sites, ils mettent que la tagline du jeu, c'est « Live or die, you choose ». Donc, vivre ou mourir, à toi de choisir. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire d'où c'est tiré ? Faux. Ben oui. C'est la phrase de Jigsaw, justement, quand il fait un jeu. À chaque fois qu'il finit un jeu, je crois que ça a été mis à partir du deuxième ou troisième film, il finit toujours ses phrases par « Vivre ou mourir, à toi de choisir. » Et ça finit là-dessus. Non, mais voilà, c'est du copier-coller, c'est du déjà-vu, mais c'est la façon dont c'est amené qui est géniale. Ouais, voilà, ça te fait vraiment penser. Ouais. Non, c'est ça, c'est pour ça. Enfin. Il y a de très bons slashers, il y a de très bons teen movies, mais c'est souvent ultra prévisible. Les choses sont amenées des fois même trop vite. Enfin, alors que là, non, on nous berne justement avec ce côté dans ce genre de film. Voilà, on sait déjà tout le titre depuis le début. C'est exactement ce qu'on pense. Et non, quoi. Et c'est amené comme un bon film d'horreur, c'est-à-dire pas un film d'horreur vraiment, tu vois, avec du suspense jusqu'au bout, ça a amené comme ça, mais dans un cadre qui n'est pas fait pour. Et je trouve ça génial. Donc honnêtement, y en a qui aiment pas, C'est la vie, mais honnêtement, pour moi, c'est-à-dire que j'ai pris le même pied à y jouer que j'ai pu prendre le pied à jouer à Heavy Rain. Quoi. Parce que Heavy Rain, c'était ça aussi. C'était une histoire qui était super bien montée. C'était des personnages. Voilà, quoi. C'était un thriller, mais c'était ouf, quoi. Et ben là, c'est ouf. C'est génial. Tout est là. L'ambiance, le visuel, tout est là. Et je, honnêtement, moi, je respecte énormément d'avoir fait quelque chose d'aussi oufissime avec quelque chose de tellement nié. Oui, voilà, c'est ça. Parce que c'est ça, hein, c'est nié, c'est cucu, c'est teenager, quoi. C'est boutons et pâquerettes et bisous et sodomie, quoi. Et voilà, avec quelque chose d'aussi nié, d'aussi naïf, d'aussi bidon. Parce que je dis pas forcément ça au sens péjoratif du terme, parce que c'est une science voulue dans ce genre de film. Hein. Mais de réussir à faire quelque chose d'aussi balèze, c'est vraiment un coup de maître. Ah ben voilà, des bons scénaristes, ça fait toujours le truc. Hein. Par contre, ça fait beaucoup plus d'une heure et demie qu'on est là, donc on va s'arrêter. Oui. On va se couper là, voilà. On va se couper là, mais en tout cas, c'est bientôt Noël, achetez-vous une PS4, achetez-vous ce jeu, ou je ne sais pas. Non, mais si vous avez une PS4, honnêtement, c'est pas un investissement que vous allez regretter, quoi. Mis à part si vous êtes du genre réticent de chez réticent et que non, vous savez pertinemment que vous n'avez pas aimé et machin, ou peut-être que vous avez acheté et détesté, je suis désolé pour vous, mais autrement, vraiment, enfin, c'est... Voilà, désolé si vous avez des mauvais goûts, quoi, c'est pas... non, parce que, voilà, j'ai appris avec le temps qu'effectivement, c'est pas parce qu'on partage pas les mêmes avis qu'il faut toujours dire non, mais attends, je comprends pas. Ah bah si, mais si je comprends pas, moi mes goûts sont parfaits, donc si je dis que j'aime bien, c'est que c'est bien, quoi, tu vois, c'est... Non, mais voilà, moi c'est mon avis, c'est quand même quelque chose qui vaut le coup. C'est vrai que c'est dommage que ça soit pas toute plateforme. Oui. C'est dommage, mais honnêtement, c'est très bien joué de la part de Sony, parce qu'il s'assure vraiment une exclue en béton. Mm. Ah voilà, c'est une très... Autant The Order... C'est le jeu avec du potentiel qui vraiment a beaucoup de potentiel, mais qui c'est non, hein, c'est dommage, c'est très mal apporté. C'est pas finalement moi je pensais que ça allait être The Exclu et finalement non, mais The Altenon, ouais, quoi. Les mecs quand même, enfin voilà, ils ont The Order qui est quand même, bon allez, on va dire qu'il est quand même bien, il chie la classe. Ils ont Altenon, ils vont avoir Uncharted, Sony. Voilà, ils ont des bonnes exclus quand même. Ils ont des bonnes exclus. Xbox en a aussi. Moi, je trouve personnellement que ils chient un peu avec des exclus qu'ils avaient. Voilà. Mais c'est un avis. Mais Sony, eux, ils sont vraiment bons, quoi. Pour le moment. Après, ça se trouve, Microsoft va choper des putains d'exclus par la suite. On n'est pas à l'abri d'eux, hein. Mais là, pour l'instant, Sony est quand même relativement bien parti. Ah, mais Sony se met bien à niveau exclu. Hein. Parce que faut voir aussi que au début, c'était Microsoft qui avait des putains d'exclus avec la 360. Et Sony est arrivé un peu en retard, mais s'est ramené avec de très bons titres sur la fin. Donc, a récupéré une belle part de marché. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un vent inverse. Ça peut arriver. Hein. Mais là, pour l'instant, non, pour l'instant, Sony, clairement, voilà. Ouais. Donc, très, très, très bon jeu. Enfin, c'est honnêtement très bonne surprise de l'année. Très bon cru. D'accord. Eh ben, écoute, sur ce, je pense qu'on va, bien dire bonne nuit à nos auditeurs. Pas bonne nuit, hein, puisqu'il y a. Il y a bien entendu retour au CP juste après. Oui. On va leur dire à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine, comme d'hab. J'aimerais quand même finir sur quelque chose. Oui, vas-y. Plus qu'un petit mot de la fin. Voilà, j'aimerais dire I'm never gonna dance again. Guilty feet, I've got no rhythm. Hug, it's easy to pretend. I know you're not a fool. Mmh. Voilà. Mmh. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Cet homme est fou avec son accent de merde. Exactement. Non, mais je le fais avec un accent de merde parce que je sais que j'ai un très mauvais accent, mais bon. Au moins, je suis content, j'aurais réussi à le faire. Voilà. Donc sur ce, bah moi je vous souhaite une bonne soirée avec Retour au CP juste après. Yeah. Et puis, cette émission c'était très sale. Très sale. Très sale. Il n'y a plus de tâche. Oui, on aurait vraiment besoin d'une boule magique. Voilà, on aurait vraiment besoin d'une boule magique et patron, baisser l'étoile pour les enfants. Oui. Ce sont des enfants de pute. Tout à fait. Allez, bonne soirée les gens, bye bye. Bisous, ciao.